그렇게 또 뱅. 그렇게 또 뱅. Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom alaikum. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom alaikum. Le goulag. Elle aime le train de vie, elle connaît ce goulag. La vitesse, gros gamos, ça a l'air Sergio Ramos. Dans le passé, dans le futur, je suis vénère comme Thanos. Je déploie mon régiment, j'investis dans ciment. Je me fais livrer à Uber Eats dans le bâtiment. Une Rolex pour chaque jour de la semaine. Les 3-8 ont viscère à la chaîne. Y'a tout le 93 et personne n'est briefé. Je te laisse imaginer ce qui peut arriver. Le poteau a un CV, si à drage. Mais un pouce en smiley, ils veulent mon bras. Elle kiffe les grosses Kaira, elle t'aima le croco. Que des drogués, des goros, des caldrogos. Des gens de 22 pouces sur l'ouvreuse. Les diams sur ma trotteuse et Blueis la faucheuse. Le goulag. Des berbères, des gaulois, des bt, des djoulas. Tout le voisinage se demande ce qu'on fout là. Des postons, des cheflas, on prépare une virée. Tellement nombreux, tu sais pas qui a tiré. Je marche avec des menottes accrochées à une mallette. Le Renoir n'est pas net, pénurie de galettes. Y'a plus rien qui m'arrête, j'avale même les arrêts. Le goulag. Ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom alaikum. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom alaikum. Le goulag. Je connais déjà le scénario, je vais faire comme Gennaro. Pour compter la recette, pas besoin de diplôme, pas de numéro de série. Le AK est fantôme, tu m'appelles pour ta aide quand je joue à la PS. Une fois que tout est vendu, je cherche un plan cul. Les parents ont vu le nom des complices dans le registre. J'ai pas confiance en toi, tu m'appelles, j'enregistre. Le champagne va couler dans le gosier. Le baveux dit qu'il y a une faille dans le dossier. Me dit ami. Ami, rit, des kilos d'herbe qui aveurit. Le bonheur se trouve dans la prairie ou au fond de la gorge de ma chérie. Coupé S pour la série, on va faire la guerre comme en Syrie. Les affaires marchent, tout tombe à pic. On est presque en pilotage automatique. Le tableau de bord brille full de LED. Tatouin en Dior, oublie qu'elle est LED. On va sortir après toi, je vais te mentir comme au prétoire. J'allume un terre dans un manoir. On vient te faire, sort d'un van noir. Le goulag. Ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le goulag. Ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom alaikum. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde. Shalom alaikum.